Bonjour. Sixième partie de Melmoth ou l'homme errant de Robert Charles Mathurin, chapitre 31, histoire de Guzman et de sa famille. Avant de commencer, l'étranger observa qu'il avait été lui-même témoin d'une partie de ce qu'il allait lire, et que le reste était établi sur une base aussi ferme que le témoignage des hommes la pouvait rendre. Dans la ville de Séville, que j'ai habitée pendant une longue suite d'années, je connaissais un marchand opulent que l'on appelait Guzman, et qui avait reçu le surnom de Riche. Il était d'une naissance obscure, et ceux qui, grâce à ses richesses, favorisaient sa bourse de fréquents emprunts, n'honoraient jamais son nom au point de le faire précéder du don, ou d'y ajouter son nom de famille que la plupart ignoraient, et dont on assure qu'il n'était pas fort bien instruit lui-même. On le respectait pourtant, et quand on voyait Guzman, chaque fois que la cloche sonnait les vêpres, sortir de l'étroite porte de sa demeure, la fermer soigneusement, la regarder deux ou trois fois d'un œil inquiet, puis déposer la clé dans son sein, et se rendre lentement à l'église, ne cessant de mettre la main dans sa veste pour être bien sûr que la clé y était toujours. Alors les têtes les plus fières de Séville se découvraient à son passage, et les enfants qui jouaient dans les rues interrompaient leur jeu jusqu'à ce qu'il leur eût adressé quelques paroles en passant. Guzman n'avait ni femme ni enfant, il ne possédait ni parents ni amis. Une vieille domestique composait tout son ménage, et ses dépenses étaient calculées sur le pied de l'économie la plus stricte. Bien des personnes se demandaient, d'après cela, ce que deviendraient après sa mort ses immenses richesses. Ceci donna lieu de penser que Guzman pouvait avoir des parents dans l'éloignement ou la détresse, et la curiosité, stimulée par l'avarice, est infatigable. On découvrait ainsi que Guzman avait eu autrefois une sœur, beaucoup plus jeune que lui, qui, dans un âge fort tendre, avait épousé un musicien allemand de la religion protestante, et qui bientôt après son mariage avait quitté l'Espagne avec son époux. On se rappela, ou du moins l'on prétendit, qu'elle avait fait beaucoup d'efforts pour toucher le cœur et désarmer la main de son frère, afin qu'il pardonnât leur union et la mît en état de retourner dans sa patrie avec sa famille. Guzman fut inflexible, riche et fier de ses richesses. Il aurait pu néanmoins la voir, sans regret, mariée à un homme pauvre, qu'il aurait eu la gloire d'avoir enrichi. Mais l'idée qu'elle s'était unie à un protestant lui était insupportable. Ignès se rendit donc avec son mari en Allemagne, où il était sûr que ses talents pour la musique seraient appréciés. Il éprouvait d'ailleurs ce sentiment naturel aux personnes qui émigrent et qui sont portés à imaginer qu'un changement de lieu amènera un changement dans leur fortune, tandis qu'ils sentent que le malheur sera plus supportable partout ailleurs que dans la présence de ceux qui l'infligent. Telle était l'histoire que les vieillards racontaient au sujet de la sœur de Guzman, et à laquelle les jeunes gens ajoutaient une foi d'autant plus implicite que leur imagination y joignait encore mille nouveaux charmes. Quand Guzman tomba malade et fut abandonné des médecins qui avaient été appelés en quelque sorte malgré lui, dans le cours de sa maladie, soit que la voix de la nature se fit entendre à son cœur, soit qu'il jugea qu'une sœur le soignerait mieux dans ses derniers moments que des domestiques avides et mercenaires, soit enfin que son ressentiment s'affaiblit aux approches de la mort, Il est certain qu'il se souvint d'Inès et qu'il expédia à grands frais un express pour la partie de l'Allemagne où elle résidait, afin de l'inviter à revenir à la ville pour se réconcilier avec lui. En attendant, il adressa au ciel les prières les plus ferventes pour que sa vie pût être prolongée jusqu'à l'arrivée de sa sœur et qu'il pût rendre le dernier soupir dans ses bras et dans ceux de ses enfants. Indépendamment de cela, il fit appeler un notaire, avec lequel il resta renfermé malgré sa faiblesse pendant plusieurs heures. Le bruit courut aussitôt qu'il avait annulé son ancien testament et qu'il en avait fait un nouveau. Mais quoique l'on se donnât beaucoup de peine pour écouter à la porte de la chambre, l'on ne put distinguer une seule de ses paroles. Ses amis avaient fait tous leurs efforts pour l'empêcher de se livrer à une fatigue aussi grande, ce qui, selon eux, ne pouvait manquer de hâter ses derniers moments. Mais, à leur grand étonnement, et sans doute à leur sincère joie, dès que Guzman eut fait son testament, sa santé et ses forces revinrent. Il commença à marcher dans sa chambre et à calculer dans combien de temps il pourrait avoir des nouvelles de sa famille. Quelques mois s'écoulèrent, et les prêtres profitèrent de cet intervalle pour tâcher de changer les vues de Guzman. Voyant qu'il leur était impossible d'y réussir, ils changèrent de batterie. Ils exigèrent, du moins, qu'il n'eût de communication avec cette famille hérétique que par leur entremise, et qu'il ne vît sa sœur ou ses enfants qu'en leur présence. Guzman eut d'autant moins de peine à se soumettre à cette condition qu'il éprouvait, à dire vrai, fort peu d'inclination à se lier de nouveau intimement avec sa sœur, de qui la présence ne pouvait manquer de lui rappeler des sentiments oubliés et des devoirs négligés. Il tenait d'ailleurs beaucoup à ses habitudes, et la société de la personne la plus intéressante lui serait devenue insupportable si elle avait apporté le plus léger changement ou la plus courte suspension à ses habitudes. C'est ainsi que Guzman capitula avec sa conscience. En dépit de tous les prêtres de Séville, il résolut d'attirer auprès de lui sa sœur et sa famille. Mais de l'autre côté, il promit et jura à ses conseillers spirituels de ne jamais voir un seul individu de cette famille. Il décida que sa sœur hériterait de sa fortune, mais qu'elle ne verrait jamais son visage. Ensuite, il se mit à calculer ce que coûterait le voyage de sa sœur et l'établissement de son ménage, car il voulait ne rien épargner pour qu'elle vécût à son aise en Espagne. En moins d'un an, Monsieur et Madame Wahlberg et leurs quatre enfants arrivèrent à Séville. Le mari était un excellent musicien et un homme fort industrieux. Ses talents lui avaient fait obtenir la place de maître de chapelle du duc de Saxe, et il avait élevé ses enfants selon ses moyens, de manière à pouvoir un jour le remplacer ou donner des leçons de musique dans les divers cours de l'Allemagne. La plus grande économie régnait dans leur ménage, et ils espéraient qu'un jour, les talents de leurs enfants contribueraient à augmenter leur aisance. Le fils aîné, qui s'appelait Everhart, avait hérité des talents de son père. Les deux filles, Julie et Inès, étaient aussi musiciennes, et indépendamment de cela, elles brodaient dans la perfection. Le plus jeune Maurice était tour à tour le charme et le tourment de sa famille. Ils avaient lutté pendant plusieurs années contre des difficultés trop peu importantes pour pouvoir être détaillées ici, mais trop cruelles pour ne pas empoisonner la vie de ceux qui étaient destinés à les éprouver journellement, et pour ainsi dire à toutes les heures de la journée. Tout à coup, l'arrivée de l'express apportant l'invitation que leur riche parent Guzman leur faisait de se rendre en Espagne vint leur offrir la première aurore du bonheur et du repos. Toutes leurs peines furent oubliées. leurs soucis écartés, leurs dettes payées, et ils s'empressèrent de faire les préparatifs nécessaires pour leur voyage en Espagne. En arrivant à Séville, ils reçurent la visite d'un grave ecclésiastique qui leur apprit la résolution que Guzman avait prise, de ne jamais voir sa sœur, quoiqu'en même temps il fût décidé à lui fournir, ainsi qu'à sa famille, le moyen de vivre dans l'aisance, jusqu'à ce que sa mort la mît en possession de tous ses biens. Ils furent un peu troublés à cet avis, et Inès pleura en songeant qu'il ne lui serait pas permis de voir son frère, pour qui elle conservait encore une affection sincère. Ce nuage était le premier qui, depuis leur départ d'Allemagne, eût obscurci leur avenir. Il répandit une teinte de tristesse sur la première soirée qu'ils passèrent à Séville. Wahlberg, dans l'attente de l'aisance dont il allait jouir, ne s'était pas contenté d'amener avec lui tous ses enfants. Il avait encore engagé son père et sa mère, qui étaient fort vieux et fort pauvres, à le suivre à petite journée. La vente de ses meubles l'avait mis en état de leur remettre l'argent nécessaire aux dépenses d'un si long voyage. Il les attendait d'un moment à l'autre, et ses enfants, qui se rappelaient à peine d'avoir reçu une fois leur bénédiction, étaient impatients de les revoir. Inès avait cependant dit à son époux qu'il eût peut-être mieux valu de les laisser en Allemagne et leur remettre de temps à autre l'argent dont ils auraient besoin, plutôt que de les exposer, à leur âge, à de si grandes fatigues. Mais Wahlberg avait toujours répondu « J'aime mieux qu'ils meurent chez moi que de vivre chez des étrangers. » Pour la première fois cette nuit, il sentit la prudence des conseils de sa femme. Elle s'aperçut de ce qui se passait dans son esprit et fut assez généreuse pour ne pas lui rappeler ce qu'elle avait dit. Le temps était triste et froid. Ce n'était pas celui des nuits ordinaires en Espagne. Sa tristesse semblait s'être communiquée à la famille. Inès travaillait en silence. Les enfants, rassemblés à la fenêtre, parlaient à voix basse de l'arrivée prochaine de leurs grands-parents. Et Wahlberg, qui marchait avec inquiétude dans la chambre, soupirait de temps en temps en les écoutant. Le lendemain, le ciel fut serein. Le prêtre revint les voir, et après avoir exprimé les regrets de ce que la résolution de Guzman était inaltérable, il leur apprit qu'il était chargé de leur payer une pension dont il nomma la somme, et qui leur parut énorme. Il ajouta qu'une autre somme assez forte était consacrée à l'éducation des enfants. Il remit en leurs mains des contrats à cet effet, et se retira, en répétant que comme il était hors de doute qu'ils seraient les héritiers de Guzman, ils pouvaient, dans l'intervalle, être heureux et tranquilles, et vivre dans l'abondance, sans se livrer à d'inutiles soucis. L'ecclésiastique était à peine sorti, quand les vieux parents de Wahlberg arrivèrent. Ils étaient affaiblis par la joie et la fatigue, mais non épuisés, et toute la famille s'assit autour d'une table bien servie, avec l'espoir d'un bonheur à venir, souvent plus doux que sa jouissance. « Je les vis, » dit l'étranger, interrompant sa lecture, « je les vis dans la soirée de ce jour de bonheur. » Et le peintre qui aurait voulu représenter la félicité domestique aurait été sûr de trouver le plus parfait tableau dans la demeure de Wahlberg. Il était assis avec sa femme au haut de la table, souriant à ses enfants qui souriaient à leur tour, sans qu'une seule pensée inquiète vînt troubler leur joie. Il faut avouer d'ailleurs que ces enfants formaient un groupe vraiment charmant. Everhard, le fils aîné, était âgé de 16 ans. Il était trop beau pour un homme. Son teint était brillant et délicat, sa taille parfaitement prise et sa voix, encore grêle, ne faisait qu'indiquer sa force à venir. Les filles, Inès et Julie, avaient tous les charmes du sexe dans les climats septentrionaux. De beaux cheveux blonds, de grands yeux bleus, une peau d'albâtre, des bras ronds et potelés, des joues fraîches et colorées. En un mot, on eût dit aller voir servir leurs parents que c'étaient deux jeunes ébesses, versant une liqueur que leur seul attouchement convertissait en nectar. La gaieté de ces enfants avait été de bonheur, amortie par les embarras de fortune auxquels leurs parents avaient été en butte. Dès leur enfance, ils avaient pris l'habitude de marcher d'un pas timide, de parler à voix basse, de jeter des regards inquiets. En un mot, ils avaient toutes les manières que le sentiment de la détresse enseigne, péniblement, dès le premier âge, et que les parents ne peuvent voir qu'avec douleur. Aujourd'hui, tout était changé. Les jeunes cœurs pouvaient enfin s'épanouir. Le sourire étranger à leurs lèvres s'y montrait avec tous ses charmes, avec tous ses agréments, et la timidité de leurs anciennes habitudes ne faisait qu'ajouter en charme de plus à l'expression de leur nouveau bonheur. En face de ce tableau, dont les couleurs étaient à la fois si vives et si tendres, étaient assis le vieux grand-père et la vieille grand-mère. Le contraste était frappant. C'était d'un côté les plus belles fleurs du printemps, et de l'autre, la froide stérilité de l'hiver. Ces vieillards, malgré leur âge avancé, avaient cependant quelque chose d'agréable dans leur physionomie, et il est probable que Van Dyck ou Rembrandt eût préféré leur figure à celle de leurs jeunes et aimables petits-enfants. Ils étaient bizarrement costumés à l'allemande. Le grand-père portait un pourpoint et un bonnet, et la vieille grand-mère une fraise, une pièce d'estomac et une coiffe à longue barbe, sous laquelle on distinguait de rares cheveux blancs et des joues ridées. En attendant, on voyait sur son visage ce froid sourire qui ressemble aux rayons du soleil quand il se couche en hiver. Il n'entendait pas fort distinctement les douces importunités de leur fils et de leur fille, qui les pressaient de manger du repas le plus abondant qu'ils eussent fait de leur vie. Mais il saluait et souriait avec cette expression de reconnaissance qui fait en même temps plaisir et peine au cœur d'enfant tendre et respectueux. Il souriait aussi à la beauté d'Everhart et des deux filles, ainsi qu'aux espiègleries de Maurice, qui n'était pas moins gai dans l'adversité que dans le bonheur. En un mot, il souriait à tout ce qui se disait, quoiqu'ils n'en entendissent pas la moitié, et à tout ce qu'ils voyaient, quoiqu'ils pussent à peine en jouir. Et ce sourire de la vieillesse, cette tranquille soumission au plaisir de la jeunesse, mêlée à la certitude d'une félicité à venir plus parfaite, donnait une expression presque céleste à des traits qui, sans cela, n'aurait offert que le triste aspect de la faiblesse et de la décadence. Une description détaillée de ce qui se passa pendant le repas fera bien connaître les personnages. Wahlberg, très sobre lui-même, pressa à plusieurs reprises son père de prendre plus de vin qu'il n'avait coutume d'en boire. Le vieillard le refusa avec douceur. Le fils ayant insisté, le père y consentit à la fin, plutôt pour faire plaisir à Wahlberg que pour sa propre satisfaction. Les plus jeunes d'entre les enfants caressaient leur grand-mère avec la bruyante tendresse de leur âge. Leur mère leur en fit des reproches. « Laissez-les faire, dit la bonne vieille. Ils vous gênent, dit l'épouse de Wahlberg. « Ils ne me gêneront pas longtemps, » répondit la grand-mère avec un sourire expressif. « Mon père, » dit Wahlberg, « ne trouvez-vous pas qu'Everhart est bien grandi ?»« La dernière fois que je le vis, » répondit le vieillard, « il fallut me baisser pour l'embrasser. Maintenant, ce serait son tour. » Everhart, à ces mots, s'élança dans les bras de son aïeul, qui s'ouvrirent pour le recevoir. Et ses lèvres fraîches et roses se collèrent contre la barbe argentée du vieillard. Walberg, ayant entendu sonner l'heure à laquelle, sous quelques aspects, que la fortune se présenta, il ne manquait jamais de faire la prière au sein de sa famille, fit un signal que ses enfants comprirent et que l'on communiqua à voix basse aux vieux parents. « Rendons grâce à Dieu, » dit la vieille, en se mettant à genoux à l'aide de ses petits-enfants. « Rendons grâce à Dieu, » répéta son époux, en s'efforçant de plier ses genoux raidis par l'âge, et en ôtant son bonnet, tandis que Wallenberg, après l'avoir lu un ou deux chapitres dans une Bible allemande, prononça une prière improvisée, par laquelle il demandait à Dieu de remplir leur cœur de reconnaissance pour les biens temporels qu'il daignait leur accorder, et de les mettre en état d'en user de manière à ne pas perdre les choses éternelles. La prière finie, tout le monde se leva, et l'on embrassa avec cette tendresse dépouillée de tout sentiment terrestre qui porte les plus beaux fruits dans le jardin de Dieu. L'épouse de Walberg ne négligeait rien de ce qui pouvait contribuer à l'agrément des parents de son mari, et Walberg lui cédait ce soin avec cette reconnaissance mêlée d'orgueil qui nous fait éprouver plus de plaisir à voir ce que nous aimons répandre des bienfaits que si nous les répandions nous-mêmes. Il aimait ses parents, mais il était sûr que sa femme les aimait parce qu'ils étaient à lui. Ses enfants s'étaient offerts pour assister ou soigner leurs grands-parents. Il leur disait « Non, mes enfants, votre mère le fera mieux. Votre mère fait toujours pour le mieux. » Comme il parlait, ses enfants, selon leur coutume, se mirent à genoux pour qu'il les bénît. Il posa sa main, tremblante de joie, d'abord sur la tête d'Evrart, qui s'élevait fièrement au-dessus des autres, puis sur celle de Maurice, qui, avec la gaieté de son âge, riait en s'agenouillant. « Dieu vous bénisse, » leur dit-il, en détournant la tête pour pleurer. « Dieu vous bénisse tous, et vous rende aussi vertueux que votre mère, et aussi heureux que votre père l'est ce soir. »